Nous passons notre vie à éviter que la mort nous gagne. En riant, en inventant, en aimant, en priant, en faisant la guerre, en tuant. Mais que savons-nous exactement de la mort? Simplement que personne n'en revient. Mais il y a bien une période dans notre vie, un moment, où notre esprit se détourne de ce qu'ont pu être ses désirs. Peut-être la mort est-elle une délivrance. Je veille sur mon prochain, la fin est proche, faut que je prêche. De notre heure, on se rapproche. Un de plus, entre quatre planches. C'est aussi dur qu'un coup de poignard dans les destins. Frère, faut que t'attestes un seul et unique. Ton destin entre tes mains, cette vie est souvent tragique. Ton destin entre tes mains, cette vie est souvent sadique. De notre heure, on se rapproche, dis-moi à quoi que je t'accroche. Je veille sur mon prochain, la fin est proche, faut que je prêche. Frère en danger, fallait en parler. Piégé par le manque de caille, mes frères se perdent dans le détail. La vie synonyme de danger, faut penser à se ranger. Du bon côté, lâcher la barrière de la connerie. On pleure, on rit sans penser au jugement dernier. La vie c'est course poursuite, la mort elle champette ligue. Mais qui a dit que t'as toute la vie devant toi? On prend les devants toi et m'en fais pas partie du même temps. Ici à moins de 20 ans, on perd toute envie de vivre. Putain de seconde pour mourir ou mourir. Au lieu de contenter à des projets qui te seront incertains, des projets qui te seront bien éphémères, ils sont supplices qui te feront pas venir à tes fins. Toi qui es faible de foi, toi qui es prêt à attester la foi. Méfie-toi car la vie est plein d'obstacles. Les seuls croyants pourront faire face. Le seul croyant qui atteste, le seul unique au jour J. Le seul croyant qui fera partie de l'ombre du Seigneur ce jour J. Maintenant tu le sais qu'il faut forger. Pas de victime face à ces épreuves. Avant que notre heure sonne, faut qu'on fasse honneur et rappeler à toute personne qu'on en passe dans le cœur. À moi ça me fait peur vu que je suis dans le péché. À moi ça me fait peur et je ne cesse de m'empêcher. C'est par la suite que vient le regret pour des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais on les fait et on les fait. Je veille sur mon prochain, la fin est proche, faut que je prêche. De notre heure, on se rapproche. Un de plus, entre quatre planches. C'est aussi dur qu'un coup de poignard dans les destins. Frère, faut que t'attestes un seul et unique. Ton destin entre tes mains, cette vie est souvent tragique. Ton destin entre tes mains, cette vie est souvent sadique. De notre heure, on se rapproche, dis-moi à quoi que je t'accroche. Je vois pratiquement à chaque fois, je pourrais lui parler de tout, sauf dans quel état il sa foi. J'y pense parfois, même souvent, est-il dans la bonne voie? À l'au-delà, je sais même plus s'il croit. Ou en a-t-il déjà fait une croix? Je rendrai des comptes si je le tiens pas au courant. Je devrais le prévenir, chose que la mort ne fait pas quand elle vient en courant. En entendant sa petite feu, le temps nous tue. Crois-tu que s'il connaissait le dîner et ses vertus, courirais-tu derrière ce monde que le chétan l'a si bien vêtu? Cette vie si courte et nous fait croire qu'elle est tendue. Sans compter nombre de pièges entre temps qui nous aura tendu. À l'instant où je parle, je suis pensif. Combien savent et combien suivent? Que Dieu protège et préserve ceux qui poursuivent. Je veille sur mon prochain, la fin est proche, faut que je prêche. De notre heure, on se rapproche. Un de plus, entre quatre planches. C'est aussi dur qu'un coup de poignard dans les destins. Frère, faut que t'attestes un seul et unique. Ton destin entre tes mains, cette vie est souvent tragique. Ton destin entre tes mains, cette vie est souvent sadique. De notre heure, on se rapproche. Dis-moi à quoi que je t'accroche.